2005 ouais, ouais, ouais, ouais. Picsou, Picsou, pour Urban Rixa. 9-4-1-1-1-0. Je viens écraser les capots dans le canifo. Ceux qui entretiennent leur béton contre de l'héros. Ouais, ton héros, ouais, c'est Escobar, je me tape des barres. Si t'es collé comme un malabar, je te rembarre à coup de barre. Car ici c'est rare qu'on se tape des barres. À cause de ces bâtards de la police, j'aimerais bien que la vie soit lisse, que ça glisse, qu'on arrête de cracher sur les mises. Sauf celle qui écarte trop vite les cuisses. Et Louis Lane, ici il n'y a pas de Clark Kent. Si ça fait de la peine, sache qu'ici ceux qui prônent c'est la haine. On se combat comme des hyènes en piétinant le FN. Et ce qui nous freine, c'est la prison freine. Et les peines qu'on y purge, c'est ça qui nous use, mais qui nous rend plus futés. Comme je dirais une lame aiguisée, qu'on peut mieux qu'une lame mouillée pour entrer dans le vif du sujet. T'as toujours ces jugés, ces jurés pour te condamner, même si t'as rien fait, vu que ta peau est un peu basanée. Ça, c'est un V qui me fait me rebeller. Gros bouga, clique pas. C'est Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. T'as pas entendu, attends, je te répète. Hey. C'est Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. F2R, c'est notre son qui pète. Suis la bonne piste, autrement la justice te pisse et te pisse dessus ou t'écrases à coups de massue. En croyant que tu vas la issue, je crois qu'ils seront bien déçus devant notre refus. Et oui, les rebuts on aura le cul. Car ici ça pue la pollution et le racisme de cette nation. Donc une considération pour les autres populations. Aïe, aïe. Tout compte c'est l'inflation de leurs actions. Mais vu qu'on n'est pas des pions, on va se mettre à rugir comme des lions. Depuis le temps que je zone avec mes sonars, on a sorti le radar pour esquiver les tards. Car quand il se fait tard le soir, y'en a qui sortent avec leur pétard pour transformer les mouchards en passoires. Vu qu'ils savent pas fermer leur crâne de mâchoire, ça finit dans le hachoir. C'est Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. T'as pas entendu, attends, je te répète. Hey. C'est Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. F2R, c'est notre son qui pète. Tu te rappelles à l'époque quand j'étais endetté, endetté. Je tournais dans le quartier puis j'ai cartonné 24 mois d'ITT. Maintenant c'est tant que Clio 16V que je viens marquer le pavé. Dérapage contrôlé, esquiver les condés. J'avais pas vu le barrage devant moi qui se dressait. J'ai fait mine de manger sans pas coder puis accélérer. On s'est bien marré quand on les a vu caler. Ce qui fait qu'on a pu arriver à la cité en toute impunité. Que j'ai pu rejoindre mon foyer pour fumer un gros joint bien dosé pour m'exprimer. J'ai besoin du MIC, j'en profite pour pour dédicacer, ACC à tous ceux de la 48 qui n'ont jamais eu d'huître. Demain plutôt les courses du 8 à 8. Et encore je suis gentil, arcueil gentil, plus rapide que Thierry Henry. Comme Manu, je suis resté concret sans jamais me faire les sorts de mes amis. Je trouve qu'on a déjà assez d'ennuis avec les flics qui te fouillent presque jusqu'au slip pour trouver ton shit ou ton fric. C'est tout ça qu'on critique dans ma clique. C'est pour ça qu'on a sorti l'automatique. C'est des Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. T'as pas entendu, attends, je te répète. Hey. C'est Bixou pour Urban et Rix qui tape son mix comme je roule ma mixture, ma mixtape. Elle est bête comme le 9-4 en mode complète. F2R, c'est notre son qui pète.